Vous le dites vous-même, j'aurais effectivement trompé la confiance du peuple souverain. Je vous le demande. On peut dire oui, on peut dire non, mais on ne peut pas dire on va renégocier. On ne renégociera pas. J'aurais bien fait ministre pour faire avancer les choses, mais pas comme François, pour être un vieux tel un mythe errant. Quand je pense que comme Édouard, il nous baladure, Jean-Louis nous Borloo, nous pour que ça dure. J'aurais bien fait ministre pour être bien avec les jeunes, mais pas comme François, avoir le mauvais filon, l'avoir finalement dans le fion. Si j'étais ministre, je dirais sûrement pas comme le président, nous nous défilons. Détournement, blanchiment au parlement, corruption, arrangement, sa business, sa encaisse et sa ment. Une fois de plus, le peuple paye gentiment, eux prennent des vacances au soleil tranquillement. Si certains d'entre eux sont avec nous, dites-moi lesquels. Ils réforment, ils échouent, on en subit les séquelles. Alors, invitons l'assemblée à se promener dehors, mettons les faces au miroir, prouvons-leur qu'ils ont tort. Mais aurais-je été mieux si j'avais c'était l'un d'eux? Serais-je aussi resté aveugle ou bien aurais-je ouvert les yeux sur ce monde pourri, cupide et démago, où l'humanité se travestit en fil le string de l'euro? J'aurais bien fait ministre, mais pas comme ça c'est sûr. Je préfère rester là où je suis, bien à l'abri de la moisissue. Mais n'oublions pas qu'ils sont là parce que la France est à choisir. Alors pour changer ça va voter, prends le chemin de ta mairie. J'aurais bien fait ministre dans cette douce France. Douce France. J'aurais bien fait ministre dans cette douce France. J'aurais bien fait ministre pour faire avancer les choses, mais pas comme François, pour être un vieux tel un mythe errant. Quand je pense que comme Édouard, il nous baladure, Jean-Louis nous Borloo, nous pour que ça dure. J'aurais bien fait ministre pour être bien avec les jeunes, mais pas comme François, avoir le mauvais filon, l'avoir finalement dans le fion. Si j'étais ministre, je dirais sûrement pas comme le président, nous nous défilons. J'aurais bien fait ministre, mais mentir aux gens est un destin bien cynique. En France, l'affaire politique, les mots sont polis pour faire. Le titre de la politique, c'est d'être poli. Alors je l'aurai sur la musique et la mélodie. Yeah, yeah. Mon discours est plein d'onction, le leur est truffé d'injonctions. Je me fais porte-parole d'une génération, peut-être voie d'extinction, mais qui garde l'espoir en sachant la vérité. Telle sera ma fonction. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'aurais bien fait ministre faire avancer les choses, mais pas comme François, pour être un vieux tel un mythe errant. Quand je pense que comme Édouard, il nous baladure, Jean-Louis nous Borloo, nous pour que ça dure. J'aurais bien fait ministre pour être bien avec les jeunes, mais pas comme François, avoir le mauvais filon, l'avoir finalement dans le fion. Si j'étais ministre, je dirais sûrement pas comme le président, nous nous défilons. J'aurais bien fait ministre pour faire avancer les choses, mais pas comme François, pour être un vieux tel un mythe errant. Quand je pense que comme Édouard, il nous baladure, Jean-Louis nous Borloo, nous pour que ça dure. J'aurais bien fait ministre pour être après le président, pour donner droit d'expression à la France et tous ses résidents. J'aurais bien fait ministre en restant un groupe de rap, et pour dire en face de Jacques, c'est du Chirac.